Salut à toutes et à tous, c'est Radio Cayenne qui oublie d'allumer ses micros comme chaque lundi soir à 19h sur radio.antirep.net. Ce soir, on est un certain nombre en studio. On a une invitée. Salut Georgette. Salut. Et ce soir, on va parler de plein de trucs. Je sais pas si quelqu'un a envie de dire ou si c'est moi qui dis, c'est comme vous voulez. Bah, moi, je veux bien le faire. Hein. On va donc commencer par revenir sur le procès de l'enfarinage de Joanne Roland. Pour les dates, c'était le début octobre, c'était le 6, c'est ça ? Il me semble. L'enfarinage, ouais. Voilà, l'enfarinage. Et donc là, le procès était mercredi dernier. On va revenir là-dessus avec Georgette. Après ça, on va revenir. On a toujours plein de contenu sur les gilets jaunes, donc que ce soit la structuration du mouvement, la répression, les manifs, tout ça. Donc là, pas mal de contenu aussi. Et on va enchaîner sur une petite chronique info kiosque, donc qu'on espère pouvoir faire maintenant de façon régulière. Et on va sans doute, si on a le temps, finir sur l'agenda, comme quasiment toutes les semaines. Voilà. Donc on vous passe un petit peu de musique avant de commencer. Alors on va vous passer un petit morceau. La semaine dernière, on a passé un morceau de la Java des bons enfants en instrumental. Et là, on a trouvé une autre version. C'est une version que moi, j'ai trouvée un peu étonnante. Et maintenant il n'est plus là. Maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. La lutte des classes. Un poulet s'éleva vite. Il portait une marmite qui était un renversement. L'inspecteur, le commissaire, mêlé au poulet lumière, éclatant fragments épars du verre. Contrairement à ce qu'on croyait, y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on les retrouve jusqu'au plafond. Retrouve jusqu'au plafond. Le vieux monde est à la casse. Le vieux monde est à la casse. Voilà bien ce qu'il fallait. Ouais, pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait, non. Pour abréger les forfaits d'un famille capitaliste heureuse. Là, mort juste au main. Il n'a pas de préjugés. Les curés seront mangés. Le travail, le pouvoir, il le nie. Encore quelques beaux efforts. Et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Social en suspens. Social en suspens. Radio Cayenne, la radio qui sort de la nasse. On est toujours sur Radio Cayenne. On est le lundi 14 février, on a oublié de le dire tout à l'heure. Janvier, mais oui. Janvier, presque. Le 14 janvier. Et il faut bien qu'on se craque à chaque fois qu'on reprend le micro. Là, le micro marchait, bon, bah, on se craque sur la date. Ce soir, avec nous en studio, on a Georgette. Salut Georgette. Salut. Georgette, t'es avec nous ce soir parce que tu faisais partie des personnes qui s'est fait embarquer et qui a été passée en procès suite à l'enfarinage de Johanna Roland. Et du coup, ce soir, tu viens un peu nous raconter comment ça s'est passé, à la fois vite fait le contexte de l'enfarinage, les arrestations, les procès, tout ça. C'est ça ? Ouais. Ouais. On se trompe pas d'invité ? Non, ça va, tout va bien. Ok. Même si j'aimerais bien. T'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre ? Non, j'aimerais bien que ce soit personne. Ouais, c'est clair. Du coup, est-ce que déjà tu veux nous dire quelques mots là sur cet enfarinage Dans le contexte dans lequel il s'inscrit Ouais. En tout cas, les revendications de cet enfarinage, il a été fait à la suite de l'expulsion de... Je parle pas assez près. Il a été fait à la suite de l'expulsion de Bréa, du coup, qui était un ancien EHPAD où des exilés habitaient. Au moment de cette expulsion, du coup, il y a eu 4 personnes qui ont été mises en CRA, qui ont été arrêtées par la police. Tu peux me dire ce que c'est un CRA ? Un CRA, c'est un centre de rétention administratif. Du coup, c'est là où on met les exilés dont les papiers sont pas en règle. Il me semble, c'est une espèce de prison. C'est même une prison, en fait, pour les exilés avant de les renvoyer dans leur pays, en général. Là, les 4 personnes, elles sont sorties. Elles ont pas été renvoyées. Mais du coup, il y avait ce truc de gens, de plusieurs personnes, de se sentir un peu de plus savoir quoi faire, en fait, d'être démunis face à la situation et de voir des gens partir en CRA, de voir d'autres gens dormir dehors. Et donc à la suite de cette expulsion, donc où la ville a appelé ça un déménagement et où tout le monde devait être en théorie relogé, il y a une 60aine de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Et donc, elles ont trouvé un refuge, si on veut appeler ça comme ça, dans le jardin des Fonderies, qui est un petit parc qui se trouve sur l'île de Beaulieu. Et donc, le soir d'avant l'enfarinage, ce jardin, il a été clôturé par des ERAS et il y a eu des vigiles qui ont été mis... Des ERAS ? Des ERAS, c'est les barrières... Enfin, il a été clôturé, en fait, il y a eu des barrières mises autour avec un dispositif, avec... des vigiles pour surveiller que les exilés ne reviennent pas, sachant que le matin même, les exilés s'étaient fait réveiller par la police et ils s'étaient fait prendre leur couverture. Et donc, il y a eu... Il y a des gens qui ont essayé de trouver une solution et de mettre les gens, entre guillemets, à l'abri dans un endroit. Donc, le seul endroit qui a été trouvé à ce moment-là, c'est un petit parc. Du coup, avec la police qui a passé son temps à suivre les gens... jusqu'à à peu près 3h du matin, à compter le nombre d'exilés qui dormaient sur place, alors qu'en vrai, ils dormaient dehors dans du sable et qu'il faisait déjà hyper froid, avec des couvertures qui ont été cherchées par d'autres gens. Du coup, cet enfarinage, il s'est inscrit dans un contexte de ras-le-bol et de fatigue d'entendre la mairie qui utilise la cause des exilés comme un étendard, comme si elle faisait plein de choses trop chouettes pour les exilés, alors qu'en fait, la seule raison pour laquelle elle fait des choses, entre guillemets, pour les exilés, c'est bien parce que bah, derrière, il y a des gens à Nantes qui se sont mobilisés, en fait, pour que la mairie, elle se sente un peu acculée et qu'elle soit obligée, en fait, de prendre en charge ces personnes qui se retrouvent à dormir dehors. Cette voilà. Expulsion, elle faisait suite à plusieurs autres expulsions, à l'expulsion du square d'Avier. Il y a eu l'expulsion du square d'Avier, il y a eu l'expulsion du château et de Sensive, qui est un endroit qui se trouvait à la fac où les exilés avaient été mis à l'abri et où ça a duré de novembre à peu près à février, si je dis pas, mars. Et avant ça, il y avait eu les Beaux-Arts qui avaient été occupés pendant 2 jours pour mettre à l'abri, 24 heures, ouais, avant d'être expulsés. Et du coup, voilà, il y avait un sentiment de se sentir un peu, ouais, de pas trop savoir quoi faire en fait, parce que bah, l'année d'avant, en fait, un an avant ça, en fait, il y avait Sensive et il y avait un endroit au chaud où mettre les gens, et que là, bah, il y avait plus de probabilité en fait, enfin, il y avait pas d'optique, et il y avait une envie d'interpeller la mairie sur ce truc de faire de la com sur la situation des exilés, et à côté de ça, laisser les gens dormir dehors dans le froid, quoi. Donc pour interpeller la mairie. Bah, il y a eu un enfarinage qui a eu lieu et une distribution. Tu peux redire un enfarinage, qui c'est qui s'est fait enfariner? C'est la mère de Johanna Roland. N'importe quoi. C'est la mère de Nantes, du coup, Johanna Roland, qui s'est pris quelques grammes de farine sur la place du marché le 6 novembre. 6 octobre. Le 6 octobre. Ouh là là, je suis plus très. C'est pas très grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. Du coup, c'était le 6 octobre et elle faisait. C'est un moment où elle venait soi-disant discuter avec. Avec la population. Voilà. Donc elle s'est faite enfariner. Elle s'est faite enfariner. À la suite de ça, 4 jours après, je me suis fait interpeller à la fin d'une manifestation. Donc le 9. Il me semble, non, le 9 ou le 10, je me souviens plus si c'est le 9 ou le 10. Le 9, le mardi, après la manifestation interprofessionnelle. Et du coup, on était en fin de manif. On voit un petit groupe, un gros groupe, je pense que c'était une vingtaine, j'arrive jamais à être trop exact sur les chiffres où ils étaient. Bon, ils étaient suffisamment nombreux, on va dire. Qui ziote dans notre direction, et du coup, bah, on s'en va. Et, Un groupe de baqueux de la brigade anti-criminalité. Et du coup, on s'en va, parce que je pense que personne reste dans leurs pattes en vrai. Je pense qu'on n'a pas trop envie de les rencontrer, c'est pas nos poteaux pour la vie, quoi. Et du coup, on va dans un bar, et là, il y a un homme. De la BAC ou je sais pas, en tout cas une personne qui me demande de le suivre, et moi premièrement je le suis pas parce que bon, j'ai pas trop compris pourquoi il me demande de le suivre. Et en fait vu que je lui dis que je veux pas le suivre parce que je comprends pas en fait la raison pour laquelle je devrais le suivre, cet homme décide que la bonne manière de faire en sorte que je le suive, c'est de me faire une clé d'étranglement en me soulevant sur 10 mètres, donc en ayant son bras placé sous ma gorge, alors que je suis pas très grande et que lui il est très grand, et que je touchais pas trop le sol, et que c'était pas le moment le plus agréable du monde. Et du coup, sur le moment, je comprends pas trop ce qui se passe, parce que j'ai pas connaissance en fait des faits qui me sont reprochés. En tout cas, j'ai pas connaissance d'avoir fait grand chose qui puisse m'être reprochable. Et du coup, je me fais interpeller. Je passe 23h30 en garde à vue. Je finis par comprendre que la raison pour laquelle je suis interpellée, c'est parce que j'étais présente au moment de l'enfarinage de la mère de Nantes, et que j'aurais insulté. Je peux dire son prénom. Que j'aurais insulté Aïcha Bassal. En lui disant, en ces termes qui ne sont pas les miens, je le précise, petite pute, ferme ta gueule, que je trouve, cela dit en passant, des termes plutôt très masculins, et que ça m'étonnerait pas que la BAC lui ait susurré ces petits mots-là dans l'oreille. Et du coup, Aïcha Bassal, elle est adjointe. Aïcha Bassal est adjointe à la mairie de Nantes. Et du coup, c'est ce qui me reprochait, c'est ce qui me vaut de faire 23h30 de garde à vue, en tout cas sur les papiers. Moi, je pense que c'est pas qu'une question de ça, et que c'est pas la raison pour laquelle j'ai fait 23h30 de garde à vue. Pendant cette garde à vue, y a des moments un peu gênants, notamment un moment où je vais aux toilettes, et que quand je sors des toilettes, il y a un policier qui dit mon prénom et qui dit... On t'aura. Et en fait, ils font que de me poser des questions sur la personne qui a enfariné et de me demander. Enfin, en fait, ils veulent que je poucave cette personne et que je dise où elle se trouve. Et du coup, je sors au bout de 23h30. Le lendemain, l'enfarineur décide de se rendre. Tu sors au bout de 23h30, donc tu te fais arrêter, on va dire, le 9 octobre. Tu sors donc le 10 octobre. Ouais. Et le lendemain, donc, tu parles, on est le 11 octobre. Mais le 11 octobre, on est jeudi 11 octobre. La personne qui se fait, qui a enfariné Johanna Roland décide de se rendre au commissariat, puisqu'elle est au courant que, notamment dans un local associatif dans lequel elle est, les flics sont venus avec les chiens en cassant des portes et en attendant très longtemps devant celui-là pour voir si la personne est là. Donc la personne, je pense, décide de venir au commissariat. À ce moment-là, je suis devant le commissariat, la personne rentre, elle est placée en garde à vue, et au bout de 40 minutes, il y a la BAC, ou je sais pas ce que c'était. Je sais pas trop ce que c'était. Il y a 12 personnes qui sortent du commissariat et qui viennent et qui m'attrapent une par chaque jambe et une par chaque bras, et qui me traînent jusqu'à l'intérieur du commissariat pour me replacer en garde à vue, du coup sur la première garde à vue sur laquelle j'étais, où il me restait 30 minutes à faire. Mais t'as passé plus de 30 minutes, du coup ça t'est prolongé Du coup j'ai été arrêtée, j'ai été replacée en garde à vue, et les 30 minutes de temps qui me restait de garde à vue, qui ont été du coup prises sur l'ancienne garde à vue, ont servi à faire une visioconférence avec le procureur, monsieur Roland, qui, du coup, a prolongé ma garde à vue de 24 heures supplémentaires dans l'objectif de me faire comparaître devant un juge des libertés et des détentions pour que je sois placée en contrôle judiciaire avec la personne qui est considérée, enfin, où je suis considérée comme étant sa complice, du coup, pour qu'on soit déférés tous les deux en même temps. Et cette autre personne, elle a été interpellée comment, du coup ? Cette autre personne, elle s'est rendue avec son avocat au commissariat en apprenant qu'en fait, il la recherchait, parce qu'il y avait aussi des articles dans les médias qui disaient qu'il était recherché, du coup, pour de la farine. Parce qu'il y avait, on peut... Parce qu'il y a eu des pressions aussi, en tout cas, moi, ce que j'appellerais des pressions. Il y a eu des petites visites, justement, dans un local associatif, il y a eu des petites visites chez ses parents... Et du coup, voilà. Il y a eu, on peut redire aussi que le matin, du coup, le matin... Il y a eu l'expulsion d'un squat, du coup, un squat qui s'appelle la Carterie, où il y avait des exilés qui vivaient. Et du coup, ouais. Donc là, pendant cette expulsion, la police, ce que tu disais tout à l'heure hors antenne, c'est que la police, elle suivait les gens et qu'elle mettait la pression, enfin... Il y a une pression qui a été constante en fait entre le moment où tu t'es fait arrêter à la fin de la manifestation et le moment où la personne accusée d'enfarinage elle va se rendre à la police. Il y a eu de la pression constante sur des gens que lui connaissait ou sur des gens que toi tu connaissais ou sur toi-même et sur lui par l'intermédiaire des visites qui ont été faites, des perquises en fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Par les flics, enfin, qu'il y a eu énormément de pression en fait, qui font que lui, il va finir par aller se rendre à la police. Oui, bah, c'est ce qui s'est passé, quoi. Il y a eu un climat constant de pression, et puis du coup, on a tous les deux passé, moi j'ai passé 24 heures supplémentaires en garde à vue, lui il a passé 24 heures en garde à vue, un petit peu plus en vrai avec le déferrement, le temps qu'on sort, tout ça. Du coup, le lendemain, on a été déféré au tribunal aux alentours de 14h, il me semble. À ce moment-là, du coup, on a eu notre avocat et on est passé devant le procureur qui a ordonné un CJ. Dans les modalités du CJ que monsieur... Qu'est-ce que c'est un CJ ? Un contrôle judiciaire. Dans les modalités que monsieur Roland... exigeait pour le contrôle judiciaire, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord la demande à ce qu'on pointe toutes les semaines au commissariat jusqu'à la date de notre procès. Il y avait la demande à ce que moi et cette personne nous ne puissions plus rentrer en contact. Et l'interdiction pour lui et moi de voir les présumées victimes. Et un truc de suivi, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop ce que c'est, un truc où ils font une enquête sociale et tu racontes ta vie et puis après voilà, ils le montrent devant le tribunal. Et du coup sur les modalités de ce contrôle judiciaire, parce qu'il y a eu un passage devant la juge des libertés et des détentions, parce que c'est la juge des libertés et des détentions qui acte de des mesures en fait du contrôle judiciaire, les deux seules mesures si je puis dire ça, qui ont été acceptées pour nous, ça a été du coup l'interdiction de voir les victimes présumées, enfin les présumées victimes, et le fait d'avoir des rendez-vous à la AE, truc machin chouette dont je me souviens absolument pas ce que c'est. Notamment parce qu'il a été pointé du doigt que, au vu du harcèlement policier que je pouvais subir et qu'il pouvait subir, c'était pas pertinent de nous faire pointer, si ce n'est que pour entretenir un climat d'animosité constant. Et qu'en vrai, je pense qu'il faut avoir en réalité de lecture qu'un contrôle judiciaire pour des faits qui sont aussi peu... Je sais pas comment les qualifier, mais qui sont quand même assez légers, c'est beaucoup, quoi. Je veux dire, le contrôle judiciaire, ça veut dire qu'en cas de non-respect du contrôle judiciaire, on peut se retrouver en prison jusqu'à la date de notre procès, ce qui est quand même quelque chose d'assez lourd. S'il faisait entre le... quelque chose d'assez lourd entre le 11 octobre, votre sortie, ouais, du coup, du tribunal, à la première date de procès. Où il y a eu un report, du coup il y a eu un report à la première date de procès, je me souviens plus de la première date de procès. C'était en décembre ? Non, c'était pas en décembre, il me semble que c'était en novembre, c'était fin novembre peut-être. C'était pas le 22 novembre, quelque chose comme ça ? Je me souviens plus, j'avoue. Le 22 novembre, je crois que c'est un samedi. Mais... Ah, bah, je me souviens plus. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça, il a été reporté le procès parce qu'il y avait un mouvement des avocats de justice morte ce jour-là, qu'il a été reporté au 9 janvier. Et donc... est-ce que, avant que tu nous racontes un petit peu le procès, est-ce que tu peux dire, donner quelques éléments par rapport à... du coup, les flics, ils ont ouvert une enquête, ouais, en fait. Moi, j'allais y venir justement raconter ce qu'on avait vu dans le dossier après, du coup, être sorti, puisqu'on a eu le droit d'accéder à notre dossier comme normal. On a constaté que lui et moi avions eu nos téléphones respectifs géocalisés, donc pas géocalisés en temps direct avec le GPS, mais plutôt une géocalisation où ils ont regardé les endroits où nos téléphones respectifs bornaient, en fait, pour savoir où est-ce qu'on se situait. Et également un peu une introspection, je sais pas comment dire ça, mais ils ont regardé les personnes... ils ont regardé les adresses où on se trouvait le plus souvent et ils ont regardé les personnes qu'on contactait le plus souvent, en fait les numéros des personnes qu'on contactait le plus souvent dans nos téléphones. Du coup, enfin, faut quand même savoir que c'est des procédures qui ont des coûts astronomiques en vérité et que, comme l'a dit un de nos avocats à notre procès, sont quand même réservées à des enquêtes entre guillemets plus importantes. En tout cas, lui, ce qu'il disait, que c'était plutôt des moyens réservés aux stupes. Ce qui avait été déployé pour notre enquête, d'autant qu'il faut savoir qu'ils avaient, s'ils ont pu mettre nos téléphones, enfin s'ils ont pu demander la géolocalisation de nos téléphones, c'est que en fait ils avaient nos numéros de téléphone et que au lieu de nous interpeller de la sorte, en fait ils auraient pu nous contacter, ils auraient pu nous appeler, ils auraient pu nous demander de venir nous présenter au commissariat, ce qui n'a été fait à aucun moment, alors que dans les fichiers, en tout cas pour moi, ils ont mon adresse et mon numéro de téléphone et qu'il y avait vraiment une volonté en fait répressive et de faire flipper les gens. Et du coup, ils ont fait ces réquisitions auprès des opérateurs pour avoir accès à des factures détaillées, enfin ce qu'on appelle des fadettes pour savoir qui vous appelait. Ils ont réussi à savoir où vos téléphones bornaient, mais ils ont fait d'autres demandes. Ils ont pas demandé à des administrations. Ils ont demandé à la CAF d'avoir les données sur ma mère, par exemple. Ils ont fait la même chose pour mon camarade. Bon, lui, ils n'ont rien trouvé. Ils ont également, du coup, fait une visite au domicile des parents de mon camarade pendant qu'ils n'étaient pas présents. Donc, ils sont pas rentrés dans les lieux, à proprement dit, en tout cas pas dans la maison. Mais ils ont fait le tour des bâtiments, ils ont écrit un compte-rendu sur ce à quoi ressemblaient les bâtiments, les animaux, ils ont parlé d'un cheval, enfin... trucs qui n'ont a priori rien à voir avec l'enquête en cours. Strictement rien à voir. Et du coup, comme je le disais, ils sont également passés dans un local associatif. Ils sont, il me semble, alors je ne me souviens pas exactement parce que ce n'est pas mon dossier, mais il me semble qu'ils sont restés plutôt longtemps garés dans leur voiture à attendre que la personne arrive... Moi, ils ont également, pendant que j'étais en garde à vue, appelé tous les endroits où je pouvais potentiellement travailler à Nantes pour savoir où est-ce que je travaillais, alors que j'étais déjà en garde à vue, en fait, et qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin de savoir quel était l'endroit où je travaillais, d'autant que moi, je ne leur ai pas demandé personnellement de prévenir mon travail. C'est tout, ça fait déjà beaucoup peut-être. Je trouve que c'est tout. Mais parce que j'ai l'impression que quand je parle, ça relate pas exactement ce qu'on a pu vivre tous les deux. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça. Je sais pas. Moi, je l'ai vécu difficilement, je sais pas trop. Ouais, parce que du coup, t'as fait près de 50 heures de garde à vue ouais. en tout, quoi. Ouais, j'ai fait 50 heures de garde à vue en 4 jours. Du coup, en 3 jours. En 3 jours. Bah non, 4 jours. Mardi... Ah non, quel... non, 4 jours? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Je suis sortie mercredi midi. Et jeudi midi, jeudi à 15h, j'étais à nouveau en garde à vue. Non, puis il y a ce truc en fait de sortir et d'y retourner, quoi. Enfin, il y a ce truc de sortir et de se dire, ouais, c'est fini. En fait, 24 heures, j'en ai déjà fait, c'est épuisant, c'est pas agréable. Mais en fait, tu t'attends pas en fait à un jour après retourner en garde à vue. Enfin, moi, j'étais devant le commissariat, quoi. Je pense. Ils t'ont dit, ils t'avaient dit au début que tu pouvais être prolongée, que ta garde à vue pouvait être Non, prolongée jusqu'à 48 heures. non, non, non, non. Bah, techniquement parlant, légalement, elle ne pouvait pas être prolongée jusqu'à 48 heures, ma garde à vue. Les motifs pour lesquels je suis poursuivie, étant inférieure à une peine d'emprisonnement d'un an, font que j'aurais pas pu être en garde à vue pendant plus de 24 heures, en fait. J'écoute pas si c'est pas Cayenne, si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. J'écoute pas si c'est pas Cayenne, si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. La République est notre maison commune. Chacun y a sa place. Chacun est acteur. Le doute, le scepticisme, l'indifférence ne doivent pas l'emporter. Vive la République et vive la France. Régulièrement, une bande de roulants nous cache du congé en nous demandant de voter. Pour savoir ce qu'est l'enfer, que vient pas de promettre, comme sur la vie promette, dans la chose publique, la France est bonne affaire, nous allons se soumettre pour l'esprit du bourgeois. Et c'est ma chambre d'appel, toutes celles que j'ai percées, qui n'ont pas assez de boutons, qui sont à l'épée. Ceux qui parient sur les canassons peuvent au moins espérer toucher du pognon. Et ceux qui ont misé sur le bon candidat sont déjà marrons, comme toutes les autres fois. Si on sait ce jour-là, on foutra pas de bâtard, on sait qui je suis baron. Et on luttera la neige, pour faire en commenter une chouette conspiration. Et les voies scélérates, il n'y aura pas de trêve. Cayenne. Radio Cayenne. En échange d'une trace de douceur, en rouge et noir. On est de retour sur Radio Cayenne. Tu nous disais un petit truc hors antenne. On était en train de parler des téléphones. Une petite anecdote. Ouais. Allez, on fait péter. L'année dernière, enfin pas l'année dernière, si c'est l'année dernière du coup, puisqu'on est en 2019 maintenant. Pendant la manifestation qui a été faite en soutien à Maxime qui a perdu sa main à cause d'une Gli F4 sur la ZAD, je me suis fait voler mon téléphone par les flics. Parce que oui, c'est des choses qui arrivent. Les flics m'ont volé mon téléphone, littéralement. Je pensais pas que ça pouvait arriver dans la vie, mais apparemment si. Il y a un homme cagoulé, je pense pas qu'il avait de matricule, il avait pas trop de signes distinctifs à part son uniforme qui est arrivé tout droit vers moi et qui m'a engueulé en me disant que j'étais en contrôle judiciaire et que je n'avais pas le droit d'être là, chose qui n'était absolument pas vraie puisque j'avais absolument le droit d'être présente dans ces lieux et qui du coup s'est rapproché de moi très fortement. Et pendant qu'il me gueulait dessus, il y a un de ses collègues, où, je crois que c'était un CRS d'ailleurs, qui est arrivé à pleine balle avec son bouclier et qui m'a foncé dans le dos. Et à ce moment-là, mon téléphone qui était dans ma main a volé très loin. Et le policier, le mec de la CDI, puisqu'on voit que c'était la CDI, qui m'a invectivé au début. Je sais pas si on peut dire ça. J'aurais qu'à utiliser leur terme. a pris mon téléphone au sol et il est parti en courant avec. Bon, voilà. C'était la petite anecdote. Voilà, la petite anecdote CDI, donc compagnie départementale d'intervention. Donc ce sont des flics qui interviennent notamment en manif, mais pas que. Ouais, du coup, l'anecdote, elle a du sens dans le contexte, quoi. C'est une histoire de harcèlement qui date pas de début octobre. Ah oui, c'est une histoire d'harcèlement. J'ai pas, en tout cas, à mon sens, j'ai pas été arrêtée. J'ai l'impression de parler comme mon avocat quand je dis à mon sens. J'ai pas été arrêtée parce que j'étais coupable des faits qui me sont reprochés. Non, moi, je pense que j'ai été arrêtée parce que je fais partie de ce qu'on appellerait l'extrême gauche, en tout cas que je suis assimilée à ces milieux militants et que de fait on est des personnes qui partons dans le complot, dérangent un peu les forces de police et pas que les forces de police, en fait je pense le gouvernement tout court. Et du coup, c'est un contexte de harcèlement qui est quotidien, en fait, depuis, je pense, presque un an. En tout cas, depuis le temps où je vais en manifestation et qui visualise à peu près qui je suis. C'est des trucs qui arrivent souvent, quoi. Oui, c'est ça. C'est, du coup, toi, ça arrive depuis un an pour toi. Il y a des personnes... Ouais. Du coup, il y a plein de gens à qui ça arrive à Nantes. Et du coup, on imagine que si ça arrive à Nantes, ça arrive aussi... Dans les autres villes, ouais, il n'y a pas de raison. Ouais. Même si nos flics à Nantes, ils sont particulièrement salés. Hein. Ils sont bien gratinés quand même. Mais comme on ne va pas dans les autres villes, on ne sait pas trop, mais on imagine qu'il y a des flics bien gratinés. Un peu partout. Je pense que c'est le propre de la police, le gratinage, un peu. Nos flics nantais ont du talent. Je dirais pas ça. C'était le petit moment. Faut pas trop leur faire de compliments. Hein. Au revoir. Ouais, du coup ça c'est enfin aussi pour dire qu'il y a plein de gens du coup à Nantes qui se font harceler par les keufs et que les flics nantais et font du harcèlement quoi. Si après bon, je doute pas que les gens qui nous écoutent savent déjà tout ça, mais peut-être ça vaut quand même le coup de leur dire. Bah puis même au moment de mes différentes interpellations, il y a eu du harcèlement. En tout cas, il y a eu des attitudes de la part de la police qui étaient menaçantes. Il y a eu sur ma deuxième interpellation qui a eu lieu devant le commissariat de Nantes Val des Crousseaux. On était un petit groupe de soutien à être présent, notamment pour une des personnes qui avait été embarquée à la suite de l'expulsion du squat de la Carterie. Et après que j'ai été embarquée, il y avait, de ce qu'on m'a raconté, des flics qui se tenaient par les fenêtres du commissariat et qui filmaient la scène en gloussant sur ce qui s'était passé. Il y a eu des charges, il y a des gens qui se sont fait poursuivre par les flics après ça. Il y a eu des contrôles d'identité qui ont été faits. Donc il y a eu aussi de l'harcèlement là-dessus et puis on sentait une petite victoire de leur part, en tout cas une fierté de leur part sur ce qu'ils avaient fait quoi. Donc 50 heures de garde-af pour toi, un peu plus de 24 heures pour ton camarade. Ouais. Après ça, donc vous êtes déféré devant le procureur et vous passez devant un juge de détention des libertés, des libertés, qui va décider de votre contrôle judiciaire. Donc vous repartez avec une date de procès. Donc ce premier procès, tu disais tout à l'heure qu'il avait été reporté. Est-ce que tu peux lâcher une petite anecdote? Parce que quand même, faut le raconter. Tu peux dire ce que tu veux. Faut le raconter parce que à nos deux sorties respectives du tribunal, après être passé devant le juge des libertés et des détentions, il y avait beaucoup de monde déjà. Donc ça fait toujours plaisir et je lâche un petit big up à toutes celles et ceux qui ont attendu pendant très longtemps et pour qui ça a été aussi difficile parce que je sais qu'il y a des copains pour qui ça n'a pas été évident de voir ça, de vivre ça. Et on a fait une jolie bataille de farine devant le palais de justice, devant la CDI. on a fait un bon petit lâchage des émotions en s'enfarinant collectivement. Je vous rassure, on n'est pas morts, on n'a pas porté plainte les uns contre les autres. Tout va bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est des petits moments aussi où faut avoir conscience que même s'il y a de la répression, et qu'elle n'est pas facile à vivre... C'est chouette dans ces moments-là de voir qu'on est là pour les uns pour les autres et que en fait je pense qu'ils peuvent toujours essayer hein, mais c'est un des moments où on a vu que en fait on était soudés et que même des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir étaient présents pour d'autres alors que c'est pas des gens qu'on s'attendrait forcément et voilà, j'espère qu'ils captent bien que ils nous auront pas comme ça. En tout cas, ça marche pas très bien, même si ça fait un peu peur, j'avoue. Et tu nous racontais aussi hors antenne tout à l'heure. Il y avait quelqu'un d'autre qui était là ce jour-là. Oh là là, quelle joie. Ah non, franchement, je crois que c'est la personne que je me serais bien passée de voir en sortant de 50 heures de garde à vue. Mais nous avions notre cher Louis-Benoît Greff, journaliste Brésinfo, journaliste. Est-ce que c'est un grand mot de dire journaliste pour quelqu'un qui écrit... Balance ou je ouais, sais pas quoi. Ou quelque chose comme ça, qui écrit des articles... Des articles aussi pourris sur Internet, des articles qui se révèlent souvent comme étant racistes, homophobes, et j'en passe des belles et des pas mûres. Faux, surtout faux, ouais. Plein de conneries, un gros amassis de conneries. On se demande toujours d'où il tire ses sources. Mais du coup, nous avions cette petite personne qui était présente devant le tribunal au moment de notre sortie. Je pense pas qu'il a attendu les 50 heures, hein. J'espère pas. Mais voilà. Bah, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que ce mec de Brésinfo, il est arrivé au moment de votre sortie. Oui. En fait, il n'était pas là. Il n'était pas là à attendre. Il n'a pas attendu. Aurait-il un copain dans le tribunal ? Il n'a pas attendu au tribunal. Il n'a pas. Il est arrivé au moment où vous sortiez. Et ça, c'était assez étonnant parce que plein d'autres gens qui étaient là. On savait que vous alliez sortir. D'ailleurs, on ne savait pas à quel moment vous alliez sortir, non. Puisque l'info qui avait été donnée par les flics à ta maman, c'est que tu allais sortir, que tu allais déférer à 11h. Ouais. Bon, c'est l'info. Non, c'est moi qui ai donné cette info-là à ma mère. C'est moi qui suis arrivée dans le bureau au moment de mon interrogatoire et qui ai entendu que je devais être déférée avec mon camarade à 11h au tribunal de Nantes, chose qui n'a pas été faite. J'ai été déférée à 14h, donc en garde à vue, on n'a pas trop de repères du temps, mais j'avais bien conscience qu'à un moment donné, il devait être 11h et que j'étais pas déférée. C'était un peu stressant d'ailleurs, je savais pas trop ce qui allait advenir de ma peau, de notre peau. Et voilà, moi je pense que je sais pourquoi j'ai pas été déférée à 11h, pourquoi j'ai été déférée plus tard, puisque pour suivre quelqu'un, quand une personne porte plainte, il faut deux témoignages. En tout cas, il faut plusieurs témoignages pour attester de la véracité des faits et que, curieusement, des témoignages a mis très longtemps à arriver et est arrivé au dernier moment, à 13h40, avant que je sois déférée à 14h, alors que le déferrement était prévu pour nous deux à 11h. Oui, d'ailleurs, ça, c'est assez intéressant. La mairie a été appelée pour produire ce témoignage-là. Ouais. Alors, normalement, il faut savoir que c'est la police qui est censée... enquêter, donc c'est la police qui aurait dû appeler plusieurs fois la mairie de Nantes pour voir des élus et les interroger sur ce qui s'était passé sur place. Ça ne s'est pas fait. La police n'a pas appelé des élus pour voir ce qui s'était passé sur place. C'est le parquet de Nantes qui a appelé le commissariat le vendredi matin en leur disant « Mais dis donc, vous êtes bien mignon, mais pour pouvoir la poursuivre, il va nous falloir quelqu'un là qui atteste de ce qui s'est passé autre que la plaignante. » Et là, la police s'est dit « Oh tiens, c'est vrai, on pourrait faire notre travail. On n'aurait qu'à appeler la mairie de Nantes. » Ils ont appelé la mairie de Nantes. Il me semble qu'il n'y a pas eu de réponse au début. Puis ils ont fini par avoir une réponse. On leur disait qu'ils étaient en réunion, qu'ils n'étaient pas disponibles. Et puis la police leur a dit mais là, s'il n'y a personne, on va devoir la relâcher. On ne va pas pouvoir la poursuivre, en fait, parce que on n'a pas assez d'éléments qui prouvent qu'elle aurait fait ce qu'on lui reproche. Et là, comme par magie, quelqu'un est arrivé en attestant que j'avais... bien fait, même pas en plus, même pas non, parce qu'elle dit pas ça, elle dit pas que... Elle dit qu'elle a entendu quelqu'un dire ces mots-là, mais elle dit pas que c'est moi. En tout cas, elle est pas en mesure de savoir si c'est moi qui l'ai dit ou pas. Toutes ces infos-là, on les a pendant le procès, est-ce que du coup tu nous parles du procès ? Ouais. Du coup, notre procès qui a eu lieu mercredi dernier, on est passés tous les deux. On n'est pourtant pas sur les mêmes faits, donc en théorie, on ne devrait pas être sur la même affaire. On est considéré, je crois... Tu peux rappeler les faits ? Alors, moi, je passe pour outrage sur une personne chargée de mission publique. Et lui, il passe pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, donc Johanna Roland, et nous passons tous les deux. Et lui a aussi refusé la signalétique et le prélèvement ADN. Il passe aussi pour le refus de signalétique et le prélèvement ADN. Que voilà. Mais du coup, on passe en comparution immédiate tous les deux. On passe en comparution immédiate plusieurs mois après. On est toujours dans le cadre d'une comparution immédiate. On a une tribune de trois juges, enfin du coup d'un juge et de deux assesseurs. Donc le juge qui est présent à cette tribune-là, c'est un juge aux affaires familiales. Qu'on se demande bien quel est le rapport. Et du coup, alors moi je vais raconter ce que moi j'ai vécu pendant le procès. Je sais pas trop pour mon camarade. On n'a pas vécu les mêmes moments en fait d'interpellation. On n'a pas subi les mêmes choses. En tout cas, pas la même violence policière à ces moments-là. Pour moi, c'est compliqué de me tenir en fait devant un tribunal. C'est compliqué de me tenir devant un tribunal parce que déjà, j'estime en fait que je devrais pas y être et parce que j'ai cette réalité de penser qu'en fait, en tout cas, la justice, elle fait pas correctement son travail. En fait, elle condamne des gens, elle punit des gens en fait. Quoi. Est-ce que tu penses vraiment que c'est pas son travail ? Si, c'est son travail. Elle fait le travail. Elle protège l'État en fait. Elle travaille pour l'État en fait. La justice, elle est là pour l'État. Elle est là pour défendre les intérêts de l'État et je pense que c'est assez clair dans cette affaire. Parce que même si pendant tout le long du procès, ça nous a été répété que nous n'étions pas sur un procès politique, on est clairement sur un procès politique, parce que si nous deux on a été arrêtés, c'est bien parce qu'on est affiliés comme appartenant à l'extrême gauche. C'est pas anodin en fait les moyens qui ont été mis en place pour nous arrêter. C'est pas ça, rien de classique, ça n'arrive absolument pas tous les jours qui déploient autant de forces de l'ordre et de moyens pour arrêter deux personnes pour des motifs aussi faibles, si je puis dire. Alors il y a comment la justice et la police vous considèrent, mais est-ce que ça se passe aussi parce que la police et la justice, elles considèrent que les victimes ou les présumées victimes, comme tu dis, elles sont ce qu'elles sont. Est-ce que tu penses non, ça aurait que pas ça été la même chose. Si ça avait été l'une d'entre nous. Tu veux dire, si je t'aurais enfariné et que t'aurais porté plainte, est-ce que je pense qu'il serait arrivé la même chose ? Eh ben non, je pense pas. Non, je pense que si on s'est tenu là à ce moment-là, c'est bien parce que. Il se trouve que Johanna Roland et Alif Chabassal ne sont pas n'importe qui et que, contrairement à ce que prône la justice en parlant d'égalité ou de je sais pas quoi, blabla, machin, bidule, ben non, en fait, c'est pas le cas. Et en fait, on est accusé d'avoir fait du mal, entre guillemets, à des personnes qui sont de notoriété publique et qui, du coup, je sais pas, il y a une justice à deux vitesses, quoi. Il y a des gens pour qui ça va très doucement et d'autres gens pour qui ça va très vite. Et du coup, les deux plaignantes, vous connaissez de vue, au moins ? Ouais. Bah moi, Isha Bassal, je l'ai vu une fois dans ma vie. Bon, je crois qu'elle m'aime pas trop. Je pensais même pas trop et du coup voilà, elle a bien retenu ma tête. Mais du coup, je sais pas trop comment aborder ce procès. Enfin, je peux commencer hein, en vrai. Bah, tu peux dire toi, peut-être que comme ton camarade, il est pas là et puis peut-être. Bah oui, puis je veux pas trop parler à son. Ouais. Ouais. Oui, peut-être tu peux parler pour toi, mais peut-être aussi de manière générale comment ça a commencé. Ça a commencé. Le juge a rappelé que vous n'aviez pas fait de déclaration en garde à vue. On donc a fait usage de notre droit au silence, du coup, qui est un droit, et sur lequel, pendant en tout cas moi, ma garde à vue, j'ai été bien tannée d'avoir fait usage de mon droit au silence, puisque ça m'a été reproché par M. Roland, le procureur, que si j'avais pas fait usage de mon droit au silence, j'aurais pas fait 48 heures, blablabla, machin, bidule. Tu crois ? Non, j'y crois pas. Non, j'y crois absolument pas, en fait. Mais c'est que ça les arrange pas. Quand tu fais usage de ton droit au silence et que t'as rien fait, ça fait qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer de ce dossier. Mais du coup, ouais, le juge nous rappelle qu'on a fait usage à notre droit au silence et que du coup, bah, il va falloir qu'il pose des questions, quoi. Parce qu'il bah, sait pas trop comment ça s'est passé, quoi. Et du coup, il pose des questions. Bon, alors, il pose des questions, mais à moi, il m'en pose pas trop. Hein. Il n'a pas l'air d'en avoir grand-chose à faire de comment ça s'est passé pour moi de mon côté. Ça n'a pas l'air de vraiment trop l'intéresser. Je pense que ça l'intéresse plutôt de savoir comment ça s'est passé pour mon camarade. Pour lui, puisque et je pense c'est pas un reproche à lui, hein, mais c'est un homme et je suis une femme et je pense que lui il a eu l'avantage en fait d'être un homme et du coup d'être plus écouté et je sais pas d'être considéré comme étant plus réfléchi dans ses décisions et moi j'ai eu le désavantage d'être une femme et d'être considérée c'est un mot que j'utiliserais pas hein, mais comme une hystérique en fait qui pétait un câble et qui savait absolument pas ce que elle faisait. Oui, d'ailleurs, ça a été dit par, enfin sous-entendu par le juge au cours du procès, que t'as, enfin que t'étais véhémente ou ouais, je ne sais plus quoi. Que j'étais véhémente. Ouais, mais du coup ça commence. Du coup, il pose des questions. Alors, quand t'arrives à ton procès, il te demande si tu reconnais les faits. Donc, il demande d'abord à mon camarade s'il reconnaît les faits. Mon camarade répond que oui, tout ça, il continue, et puis le juge continue à lire son dossier, puis pouf, en fait, il m'a oublié. Puis il fait « Ah pardon, avant qu'on vous oublie, vous madame », et il expose les faits, et il me demande si je reconnais, je réponds que non, et puis il continue, puis voilà. Et alors, j'avoue que c'est un moment qui a été émotionnellement fort, du coup je me souviens pas trop de ce qui s'est trop dit, je me souviens de petites phrases, de petits trucs un peu étranges, un peu questionnants, je me souviens que... Le juge me demande pourquoi il y a une photo de moi au dossier et pourquoi Madame Aïcha Bassal a pris une photo de moi si je ne suis pas coupable, chose à laquelle j'avoue je ne sais pas trop répondre. En tout cas, moi, je pense que quand il y a ce qu'on appellerait une action sur un lieu d'un groupe politique, tout le monde est pris en photo. En fait, je pense que toutes les personnes présentes au moment de l'enfarinage, ou en tout cas qui ont été jugées comme participants à l'enfarinage, ont été prises en photo. Bon, du coup, il me pose des questions un peu pièges comme ça, un peu pour me déstabiliser. Parce qu'en vrai, je pense qu'il a senti que j'étais déstabilisable. Parce que, effectivement, je n'aime pas cet endroit. Ce n'est pas mon endroit favori de la planète. Et puis, j'aime pas trop me retrouver face à ces gens-là qui m'inspirent pas du tout grande confiance. Puisqu'ils sont plutôt sur de la justice de classe qu'autre chose. Puis parce que peut-être on peut dire, tu l'as pas dit depuis le début, mais là, t'étais. Eux, ils estimaient que t'étais en récidive. Ouais. Ouais. Du coup, tu t'es déjà retrouvée dans cette situation. Ouais, c'est pas la première fois. De passer au tribunal et où on te reproche d'avoir fait un outrage. C'est pas la première fois, et la première fois j'avais déjà pas fait l'effet qui m'était reproché. C'est juste que, bah voilà, quand on prend 250 € d'amende en sursis, bah, il se trouve qu'on fait pas appel parce que la peine elle a des possibilités en fait d'augmenter en fait et d'être pire parce que. Tu dis ça parce que ça t'a été reproché de pas faire appel ? Ça m'a été reproché, ouais. Ça m'a été dit que si j'étais vraiment innocente sur la première affaire, parce que je l'ai dit, je l'ai soulevé que moi, je l'ai soulevé un peu maladroitement parce que j'arrivais pas trop à parler devant eux, mais je l'ai soulevé en fait que j'étais pas responsable en fait des faits qui m'étaient reprochés sur la première affaire. C'était encore un petit peu la même chose, juste avec des personnes un petit peu moins importantes. Mais du coup, le juge m'a dit « Mais oui, mais dans ce cas-là, vous aviez la possibilité de faire appel. » Chose qu'effectivement, avec mon avocat, en discutant ensemble, on s'est dit qu'on n'allait pas faire. Parce que ben, ça valait pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup. Parce que ce qu'il m'expliquait, c'est que ben, voilà, quand on a une petite condamnation comme ça, faire appel, ça fait aussi en fait que la condamnation elle peut augmenter et que la cour d'appel de Rennes peut estimer C'est pas, je sais pas comment dire, mais un peu comme une sanction en fait d'avoir fait appel, un peu comme un truc de bah voilà, vous avez fait appel, vous avez pris une toute petite peine, on voit pas trop bien pourquoi vous faites appel, bah tiens, prends plus cher et puis voilà. Du coup, la première fois, t'avais eu une amende avec sursis. Ouais, ouais, j'ai eu une amende avec sursis de 250 euros, du coup, j'ai pas fait appel, j'ai pas eu qu'une amende avec sursis, je me souviens plus que c'était, j'ai pas eu un autre truc à payer, non ? Un euro symbolique, ah si, est-ce qu'il pend ? Nous, on sait pas. Il attend toujours dans un coin. On t'a reproché de pas avoir fait appel. Oui, on m'a reproché de pas avoir fait appel. Du coup, j'ai été jugée comme étant récidive. C'est pareil, hein, les premiers faits qu'ils me sont reprochés, c'est des propos qui sont sexistes, c'est des propos que je réfute avoir pu tenir, mais que ça n'a pas l'air de leur apporter grand-chose qu'on considère que les propos qu'ils nous reprochent ne soient pas des insultes. Et ça, est-ce que tu as pu le dire devant le tribunal que tu peux pas, enfin que c'est les propos qu'on te reproche en fait, tu les trouves sexistes. Est-ce que tu as pu le dire et est-ce que tu t'es sentie écoutée quand tu l'as dit ? Alors, je me suis pas sentie écoutée. Je l'ai dit, il me semble que je l'ai dit. Je m'en souviens plus trop en vrai de ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Si, carrément. Ouais. Il me semble que je l'ai dit, j'ai dit autre chose d'un peu plus un peu petit peu plus il me semble que je l'ai dit et que en fait il me laissait pas parler et en fait il s'en foutait un peu, genre il me coupait la parole, il continuait de faire sa vie, il écoutait pas trop ce que j'avais à dire et qu'en vrai je pense que ça leur accorde aucun crédit, mais enfin ils s'en foutent en fait que moi je considère que ce soit des propos que je tiens pas, en tout cas que je tiens pas dans un cadre péjoratif à l'encontre de quelqu'un, et ils s'en contrecarrent un peu le haricot je crois. T'avais des objectifs, toi ? Quand t'es allée au tribunal, il y a des choses, toi, que t'avais envie de dire particulièrement ? Alors moi, quand je suis allée au tribunal, ce que j'avais envie de dénoncer, et plus que la peine, en tout cas, je pensais que ça m'importait pas d'être condamnée. En vrai, ça m'importait plus que ce que je pensais, mais plus que le fait d'être condamnée, ce qui m'importait, c'était de mettre en lumière le dispositif policier incroyable qu'il y a eu, le harcèlement, l'abus judiciaire qui a eu lieu. À mon encontre, en fait, c'était d'en parler, de dénoncer ce truc-là. Et ce que mon avocat a fait, ce que je n'ai pas pu faire puisque j'ai pas été très écoutée et que j'ai pas été en capacité non plus en fait de toute façon je suis même si j'avais été en capacité, je crois qu'ils comprennent rien de ça, mais c'est pas grave, mais qu'en fait ouais c'était le plus important pour moi, c'était de condamner en fait. J'avais pas envie que ce soit moi qui passe en procès, j'avais envie que ce soit eux qui passent en procès, j'avais envie que ce soit eux en fait qui soient condamnés, parce que c'est pour moi c'est eux en fait qui c'est pas elle qui est victime dans l'affaire, pour moi c'est moi qui suis victime en fait, c'est moi qui ai subi du harcèlement, c'est moi pour qui pendant 4 jours une semaine ça a été difficile psychologiquement, c'est moi qui ai passé 50 heures enfermée dans une cellule toute seule sans avoir de matelas pendant une de mes gardes à vue, en tout cas pendant 6 heures j'avais pas de matelas, j'étais assise sur un banc, j'avais pas de quoi m'hydrater, j'avais pas de couverture, il fait froid dans une cellule et que pendant ma garde à vue, il y a des moments où j'ai craqué en vrai, où j'ai pété des câbles, quoi, parce que j'en pouvais plus d'être là, quoi. Et qu'en fait, pour moi, c'est pas elle la victime, c'est plutôt moi, en vrai. Même si j'aime pas trop ce terme, parce que je sais pas, j'ai pas trop envie d'être faible face à eux, mais enfin, voilà, c'est plus. Je dirais plus que j'avais envie que ce soit eux qui passent en procès. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Ça, j'ai bien compris. Est-ce que tu sais ce qui a fait que tu t'es retrouvée, que tu n'as pas réussi à dire en fait tout ce que tu avais envie de dire ? Est-ce que toi, tu arrives à le dire ou Ouais, bah parce que émotionnellement, c'était pas facile. Parce que être devant le tribunal ce jour-là, ça me faisait écho aux 50 heures de garde à vue que j'ai passées. Ça me faisait écho à la peur que j'ai ressentie, à la violence que ça m'a fait de me faire interpeller comme ça. Parce que j'ai eu le sentiment que la seule raison pour laquelle je me suis interpellée, c'était bien à cause de mes appartenances politiques, en fait, de mes choix politiques, de mes convictions à moi dans ma vie personnelle, en fait. Et qu'en fait, de se retrouver face à des gens qui jugent et qui font des commentaires sur ce que tu fais dans ta vie, sur qui t'es, sur comment t'as grandi, en fait, ça me met mal à l'aise, en fait, parce qu'ils en savent absolument rien, parce qu'ils... En fait, ils me connaissent pas personnellement, et juste ce qu'ils ont fait, c'est du truc de classe, quoi, de regarder mon dossier, de voir que je dois être étudiante, que je travaille dans un truc précaire, de relever ces points-là, alors qu'en vrai, mon travail me va très bien et que ça ne les regarde absolument pas. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était de la violence, en fait, de me retrouver face à eux, et que, en fait, j'avais l'impression d'être... enfin ouais, de vivre une injustice quoi, de vivre un moment où, je sais pas, je trouvais que c'était pas ma place. J'avais l'impression d'être en conseil de discipline à l'école quoi. Face à un type qui s'en foutait un peu. Ton avocat, il a demandé la relaxe. Ouais. Est-ce que toi tu pensais que t'allais être relaxée? Alors j'avoue qu'au début non. Moi j'avoue que quand mon avocat a plaidé, je me suis dit waouh, trop la classe, je vais être relaxée c'est sûr. Alors ça a été un peu la descente aux enfers au moment du verdict, parce que j'ai pas été relaxée, même si mon avocat a fait une plaidoirie de ouf, hein, je pense on peut tous le dire que sa plaidoirie elle était sacrément chouette, elle était sacrément, bon, elle envoyait du lourd quoi, puis en plus il a pris le temps de relever toutes les choses que j'avais besoin de dire, toutes les choses que j'avais envie de dire, tout ce qui était important pour moi. Il a pris le temps de le dire dans sa plaidoirie, il a pris le temps de me soutenir en fait dans ce qui s'est passé, tes choix de défense. Mais comment ça marche le micro? En fait, j'ai l'impression de pas vraiment parler dedans. Je crois si, c'est bon. Ah, ouais. Tu parles un tout petit peu plus fort. Un petit peu plus fort. Okay. Après, tu peux parler vraiment comme ça. Ok. Ah oui, peut-être. Je sais pas. Mais ouais, de me soutenir en tout cas. Et ouais. Je sais pas quoi dire. Moi, je peux lui lâcher un gros big up aussi, mais je suis pas sûre qu'il écoutera. Mais on pourra lui dire d'écouter, à mon avis. Tu pourras lui envoyer le podcast. Ouais. Mais ouais. Bah puis je pense que c'est toujours compliqué pour avoir vu pas mal de comparutions immédiates, pour avoir vu pas mal de gens partir en prison ou avoir des condamnations. En fait, ce sentiment de se sentir, inutile en fait face à la justice, ou en tout cas d'avoir aucun pouvoir en fait face à eux, parce qu'on comprend pas les mêmes choses en fait, on vit pas les mêmes choses, on vit pas dans le même monde, on n'est pas face aux mêmes réalités en fait, et que bah, comme je l'ai soulevé pendant le procès, eux ils les côtoient pas au quotidien les keufs quoi. Et en fait, ou pas de la même manière. En tout cas, pas de la même manière. Peut-être pas, j'allais dire, de la bonne manière. Est-ce que c'est une bonne manière, la façon dont on côtoie les keufs? Non, absolument pas. Côtoyer les keufs, de base, n'est pas une bonne manière. Ça ne devrait pas exister, ce genre de choses. Oh, je veux pas faire d'outrage. Mais... Il n'y a pas d'outrage à la radio. Ah ouais? Et à la radio, donc un petit cours anti-répression, c'est délit de presse. Ok. Et il y a 6 mois de prescription. Ok. Du coup... Oh, tranquille! La prochaine fois, je mettrai un casque sur les oreilles de la personne et je lui ferai passer des insultes en direct qui seront autres que putophobes, sexistes, discriminantes, comme celles qui m'ont été reprochées. Vous avez été condamnés. Ouais. On a été condamnés tous les deux. Donc moi j'ai été condamnée à 300 € d'amende. C'est pas énorme. Hein. J'en conçois que ça paraît pas énorme. Et qu'en vrai pour, enfin moi je crois que c'est pas la question en fait du nombre de l'amende en fait, de la thune que c'est. C'est la question d'être condamnée en fait pour un truc comme ça quoi. C'est la question d'être condamnée, un, pour des faits que j'ai pas fait, et parce que aussi pour moi j'ai déjà été condamnée en fait en faisant 50 heures de garde à vue. Et mon camarade il a pris 1 mois de sursis. Mon camarade il a un casier vierge en fait, il a pas du tout d'antécédent judiciaire, il s'est jamais retrouvé face à la justice. On dit justiciable ou non? C'est pas ça, c'est pas eux les justiciables. Non, c'est eux les justiciables. Non, les justiciables, mais je sais pas comment dire. Ah oui, d'accord. Non, en tant procès, que prévenu. Et du coup, c'est une personne qui a un casier vierge. C'est une personne qui, aux yeux du tribunal, représente des garanties d'insertion communes. Je sais pas comment dire. Bon, en tout cas. Bah des bonnes garanties des d'insertion. Des bonnes garanties d'insertion, ouais. Et que du coup, 1 mois de sursis, c'est énorme, en fait. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'en gros, il a 1 mois de sursis pendant 5 ans. Et ça veut dire que s'il récidive les faits qu'il a commis, il peut prendre 1 mois ferme de prison, quoi. Pour une poignée de farine. On est quand même loin, quoi. La justice, elle est un peu... les keufs, quand ils mutilent des gens, en fait, ils prennent pas quasiment, quoi. Mais du coup, je voulais revenir sur un truc par rapport à la défense de ton camarade. C'est qu'il y a eu, une défense un peu, qui vous différencie un peu, je trouvais. Ils ont vachement insisté dans le cas du copain, sur son parcours scolaire brillant, malgré son enfance difficile, tatati, tatata, en tant que circonstance atténuante et en mode « Ah, bah, c'est un bon petit gars quand même qui met ses études de front et brillamment, tatati, tatata ». Et ayant assisté au procès, je trouvais que par rapport à toi, en fait, ça jouait un peu en ta défaveur. Ça faisait peut-être un truc de lui, il fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et puis à côté, toi, ils ont insisté sur le fait que ton taf était précaire. Et comment dire, que j'avais un peu l'impression que le juge te foutait au pied du mur en te disant « Bon, bah, on va parler de votre avenir, hein, parler de nouveaux projets d'avenir, parce que l'avenir, c'est important. » J'ai trouvé ça hyper méprisant. Et puis, il y avait vraiment ce côté conseil de discipline du lycée, comme tu disais, en fait, de « Ah bah oui, bon, on va pas rester là, il faut faire quelque chose de sa vie », qui était ultra mépris de classe, au final. Et comme si, en fait, je sais pas, l'engagement, déjà, c'était pas une forme d'activité valable. Après, ce qui est assez, je sais pas si je peux dire drôle, et c'est que mon camarade qui passait en procès en même temps que moi, on vient globalement d'un milieu précaire tous les deux, du coup, on a subi une justice, enfin, moi j'ai subi la justice de classe qu'il n'a pas subi, alors que de base il vient d'un milieu précaire, mais du coup, ouais, il y a eu un truc de je sais pas comment dire. Il y a eu un truc de justice de classe assez fort, en fait, de pointer du doigt mes activités à moi. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est qu'ils ne sont pas intéressés à ce que je faisais. Ils m'ont pas demandé vraiment ce que je faisais, ils m'ont pas laissé le temps de répondre sur ce que je faisais, ils m'ont pas laissé le temps de répondre sur mes projets d'avenir, en fait. Il m'a demandé ce que j'avais envie de faire plus tard, en insistant sur le fait que j'avais un emploi précaire. Somme toute, un emploi peut-être précaire, mais moi qui me convient, en fait. Peut-être que lui, ça lui convient pas, que je touche pas 1600 balles par mois, mais moi, ça me convient, en tout cas. Et en fait, il a rebondi sur le fait qu'en me demandant « Mais plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et il m'a pas laissé répondre, en fait. J'ai eu un temps d'arrêt et il m'a pas laissé répondre. Je lui ai dit « Bah, je travaille, déjà, mais j'aurais pu répondre, en fait, j'avais plus à répondre. » Je pense que je sais qu'il y a des choses que je veux faire plus tard, mais et que même dans tous les cas, même s'il n'y avait pas des choses que je voulais faire plus tard, je crois que ça le regarderait pas trop. Mais bon, visiblement, si. Et sur ma vie personnelle, en vrai, il y a pas beaucoup de détails dans l'enquête sociale, vu que je suis pas passée par des tribunaux, des trucs du genre, ce qui fait que il y a plus de détails sur la vie personnelle de mon camarade que moi, quoi. Il y a pas beaucoup de preuves, en vrai, sur ce que j'ai vécu, des trucs du genre. Puis la différence, un petit peu, le camarade, il a quand même expliqué qu'il voulait faire qu'il avait fait des études de droit et qu'il envisageait de travailler dans le truc. Ah oui, c'est sûr, le camarade, il a fait études, moi j'en ai pas fait, quoi. Ça fait une différence. Quoi. Oui, mais le truc, c'est qu'il m'a jamais demandé pourquoi j'avais arrêté de faire des études. Il aurait pu me demander pourquoi j'avais arrêté de faire des études, il l'a pas fait. Puis qu'un des trucs que tu disais aussi hors antenne, c'est que à force d'aller à des compas, il y a des moments où ça te donne toi aussi, et ça te donne envie d'être avocate. Ah bah oui, bah là. Mais que ça, comme on t'a pas demandé ce que t'avais envie de faire plus tard, t'as pas eu l'occasion de leur dire que, à force d'assister à des compas, t'aimerais bien être avocate. Je sais pas si je tiendrai la route devant eux, hein, parce que je crois que quand ils enverraient quelqu'un en prison, je pèterais un plomb. Hein. Je serais pas très, comment on dit, disciplinée, sage, gentille, douce. Non mais en vrai. En fait, ils se sont pas intéressés. Ils ont lu mon enquête sociale de long en travers. Ils se sont à peine attardés. En fait, ils m'ont jamais demandé pourquoi j'avais arrêté les études. En fait, ils auraient pu me demander pourquoi j'avais arrêté les études. Est-ce que t'as fait aussi quand t'as arrêté tes études Ils m'ont pas demandé. Ils ont pas cherché. Je sais pas. Enfin, ils ont pas posé de questions. En fait, ça les intéressait pas. Je pense le pourquoi du comment j'étais là les intéressait pas. En fait, ils avaient l'image de quelqu'un d'hystérique en face d'eux. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais je pense que c'est vraiment le mot qu'ils ont dans la tête, en fait. Je pense que quand ils me voient, c'est ce mot-là qu'ils ont dans la tête, puisque du coup, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont sorti mon ancien dossier dans lequel on va dire des mots pas très fameux aux flics. Bon, pas très fameux. Pas très fameux pour eux aux flics, je pense que c'est ça. Mais quoi, tu les traites d'assassins ? Ouais, alors oui. Bah, je leur dis ce que je pense, quoi. Puis j'étais énervée sur le moment. Mais oui, je sais. Ça veut pas dire, je suis pas en train de me désolidariser de mes propres propos, c'est pas du tout ce que je dis. Du coup, ouais, ils ont ressorti ça pour appuyer sur le fait que j'étais pas quelqu'un de bon, pas fréquentable, mais je sais pas comment dire, d'insérable, ou même que j'étais quelqu'un de véhément, quoi. Que j'étais une personne véhémente parce que je tenais des propos comme ça face à la police. Chose à laquelle je l'ai retorqué. J'ai retorqué quelque chose qu'à mon avis, ils n'ont pas trop compris. À mon avis, ils n'ont pas tout compris ce que je disais à ce moment-là. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je leur ai dit que la police, il fallait la voir au quotidien, en fait. Qu'ils ne la vivaient pas et que peut-être qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais qu'en fait, quand eux, ils harcelaient les gens, quand eux, ils avaient des propos putophobes, transphobes, homophobes, sexiste, j'ai oublié de dire raciste, c'est pas très bien, mais que du coup, quand ils avaient ces propos-là, en fait, eux, et que au-delà d'avoir ces propos-là, ils mutilaient aussi les gens qu'on connaissait, en fait, qu'ils mutilaient aussi nos amis, et même s'ils mutilent pas nos amis, en fait, ils mutilent des gens. Et que, de fait, face à eux, on reste pas de marbre, quoi. Et que je pense que c'est légitime, mais alors peut-être qu'ils trouvent pas ça légitime. Mais du coup, voilà. Quand tu disais tout à l'heure, du coup, toi, tu récuses le mot hystérique, mais quand eux, ils pensent ça, quand tu penses que eux pensent que t'es hystérique dans leur tête, tu veux dire qu'ils ont... Il y a un truc de genre qui joue. Oui, il y a un truc de genre qui joue. Il y a un truc de je suis une meuf et j'ouvre ma gueule et ça pose problème en fait. Et c'est également les raisons pour lesquelles j'ai été arrêtée les précédentes fois également. C'est parce que je suis une meuf et que j'ouvre ma gueule. Et comme d'autres nanas à Nantes qui sont des meufs et qui ouvrent leur gueule, elles aussi elles ont subi de la répression en fait. On a des exemples concrets de copines qui ont subi de la répression pendant des mouvements sociaux parce qu'elles étaient des meufs et qu'elles ouvraient leur gueule et qu'elles se laissaient pas faire quoi. Et du coup, il y avait un rassemblement qui était appelé mercredi dernier. Et, tu peux en dire deux, trois trucs. Il y a eu un rassemblement qui a été appelé par le CRAN, enfin, du coup, qui a été appelé en soutien à nous deux. Il y a eu pas mal de monde en vrai, il y a eu une centaine de personnes, je pense. La salle du tribunal était overbookée. Les gens y passaient leur tête à travers les portes pour pouvoir voir à l'intérieur. Bon, les flics n'étaient pas trop d'accord dans l'idée, mais voilà. Et à la fin, du coup, en sortant du tribunal. On est allé enfariner l'égérie de Johanna Roland et on a fini sur un petit chamboule-tout avec la tête de plusieurs personnalités politiques françaises. Ok. Et donc, avec le rassemblement de soutien, il y avait la brochette de flics qu'elle est avec. Ouais, il y avait trois camions de CDI ? Trois ou quatre. Ouais, il y avait des petits agents de la compagnie départementale d'intervention, mes grands poteaux du cœur. Je leur lâche pas un big up à eux. Ok. Bon, je sais pas si y a d'autres questions dans le studio, si t'as d'autres choses à rajouter sur le sujet. Du coup, si ton camarade d'enfarinage, Georgette, nous écoute, il est bien sûr le bienvenu pour venir aussi témoigner de comment ça s'est passé pour lui ce procès, qu'est-ce que ça lui a fait et tout ça. Et merci Georgette pour ce témoignage. Ouais, merci. Aucune discipline. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Radio Cayenne. La radio. Qui préfère foutre le bordel plutôt que de se trouver une place. Faut parler tout bas quand t'es bien élevé. Moi je parlais tout bas, là je vais arrêter. Le silence des fois, faudrait l'exécuter. Vu l'ambiance dérapage à tous les étages, je balancerai bien mes petits ressentiments. Mais pareil, je suis une fille et une fille n'en a pas. J'ai une drôle de rage et je sais plus quoi en faire. Dès que je la jette par terre, on me dit que je saccage. Je voulais la refiler, mais ici c'est pas la peine. Tout le monde a la même et en double. Faux semblant, c'est l'orage sous la nuit. J'ai dévisagé la peur, on survit. La mémoire, des fois, c'est un sport de combat. Je sais plus quoi en faire. d'exécution sommaire dans le silence le plus exemplaire, dans les caves, les familles, et même en pleine lumière. Le silence et la guerre, silence et c'est. Et il paraît, je suis une fille, et une fille n'en a pas de ça. Moi j'ai une drôle de rage, et je sais plus quoi en faire. Et je la jette par terre, on me dit que je saccage. Moi je voulais la refiler. Servir.